ce premier soir où vous partagez une soupe agrémentée de tous les fruits recueillis dans la nature alentour. Une soupe épaisse, riche de saveurs, de senteurs qui se mêlent, qui égare tes sens. Tu vois danser les visages de ces femmes, jeunes et vieilles, brimbelles, celles dont les yeux sont pareils au ciel et qui s'égare plus souvent qu'à son tour, ou s'égarait autrefois dans le bois, ou qui vit un peu à l'écart des autres dans une ancienne demeure de pâtre, et les bords qui semblent être celles vers laquelle les autres femmes se tournent, celles qui se lamentent du départ de son fils, Épicéa. Des échanges timides, encore timides, car tu sens que une partie de la réserve naturelle de ces femmes habituées à la rude vie, au dehors, au contrefort de la montagne, en deçà du domaine des charbonniers dans les essarts gagnés sur les hauteurs. On n'est pas dans l'univers taiseux et fruste des hommes noirs, passent leur temps au brûlis. Au contrôle de leurs précieux fagots, mais des femmes qui ravinent le sol pour composer ces soupes qui viennent ravir le palais le soir venu après l'effort, qui ragaillardissent. Il y a une femme qui se tient à côté d'Elébor. Elle est un peu plus âgée que Brimbelle, comme un peu fanée, soucieuse. Elle ne prend pas part aussi spontanément, elle est plus manifestement encore sur sa réserve. Elle tient, en regardant attentivement sa cuillère de ses mains que l'effort a ruiné, raviné, elle amène très lentement sa soupe, elle la boit avec lenteur en regardant à la dérobée et les bords, puis regarde les autres membres de la communauté, ne semble. Tu ne la vois pas poser son regard vraiment sur toi. Elle semble lointaine, ailleurs. Finalement, au moment de débarrasser, tu apprends son nom, la L, Erel. Pourquoi n'as-tu pas choisi de te présenter comme le maître des esprits venu guérir leurs maux. Tu t'es présenté comme homme de peine. Est-ce parce que tu attends qu'ils viennent à toi, se confier à toi, parce que tu souhaites plus encore entendre ces voix dont tu as senti les lointains échos? Les laisses-tu venir à toi ou choisis-tu de te présenter comme maître des esprits, maître Tobias? Je me présente en tant que maître des esprits. À l'issue du repas? Oui. Au moment où Elébor te propose de goûter l'alcool de poivre? Je refuse. Tu sens que tu la blesserais? J'accepte. Tu acceptes avec une certaine appréhension sur la force de l'eau de vie. Et tu as raison de la redouter. Elle est sèche, âpre. Elle te brûle la gorge, descend lentement l'œsophage pour rejoindre ton ventre et y brûler à petit feu. Elle achève de te consumer alors que tu t'es résolu à te présenter comme le maître des esprits. Elle t'a dit quelque chose comme « Eh mon gars, après l'effort, le réconfort » et tu as dit un non sans façon, mais tu as vu son visage s'altérer, ses yeux se plisser et prendre les aspects de ces vieux rapaces qui hantent la cime des grands pins. Tu as vu une autre femme que celle affable qui t'a servi la soupe. Tu as vu une femme rongée par des sentiments plus intenses. Tu as vu les ramures de ses rides remonter. Tu as vu peut-être les larmes qui ont trop longtemps raviné ses yeux. Les laisses-tu parler avant de révéler ta qualité? Je les laisse parler avant de repartir. Elle goûte pour certaines. Ah, ma fille, tu feras pas tant d'affaires, dit Elébor à Erel. Souviens-t'en comme il te plaisait de partager avec mon fils Épicéa, ton époux, le sel de la terre. Bois, tant que tu peux encore boire, ma fille. La force de l'alcool lui arrache une larme qui perle, coule sur sa joue. Lentement, tu la vois sourire. Probablement tendu ou crispé ou encore ailleurs dans son songe. Mais elle ne regarde plus dans le vague ou vers le foyer. Son regard se porte sur l'une des convives, sur la jeune brimbelle qui sourit en la regardant. Après, je me mets au milieu de... et j'annonce mon talent. Je crois que le bon gars, il a quelque chose à nous dire. Peut-être qu'il va venir s'installer, que la petite sauvageonne lui a tapé dans l'œil, hein. Hein, c'est ça, là. Hein, elle te plaît, la brimbelle? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oh, nous avons plus coutume que les hommes nous demandent la parole. Ils la prennent, en général. Maître Tobias. Alors, t'es typâtre, c'est ça? Et tu batifoles de ferme en ferme et tu nous annonces que tu vas partir? Je suis maître des esprits. Je suis ici pour soulager vos douleurs. Là, un silence se fait. La mine joviale et rieuse. Un instant auparavant. Les bords s'altèrent. Tu vois des nuages passer sur son visage, des sentiments qui affleurent sous la vieille peau toute ridée, pointant par l'âge. Tu t'en rends compte, elle a probablement quelques années de plus que toi, mais ce n'est certes pas la doyenne du village, mais ce sont les scories qui ont laissé le passage des souffrances sur son corps. Elle n'est pas couverte de cicatrices ou de marques, non? Juste affligé par la privation de ceux qui lui sont chers, manifestement. Puis je retourne à la place. Les choses étant établies, on te propose non plus que Tonnerre réside à l'écurie qui était réservée au percheron, mais dans une étable auprès de la maison commune qui sera au cœur du village, et on te propose de résider dans la maison où tu as pris la soupe en commun avec les travailleuses, avec la vieille aigrette, celle qui est sourde. Bien sûr, j'accepte. Et qui ne voit plus guère, semble-t-il. On ne te propose pas la couche qui lui est réservée, un grabat sur le sol, mais l'une des chambres qui sont ménagées à l'étage. On fait grand cas de toi et on t'apporte quelques douceurs au miel pour achever le repas. Et c'est ainsi que s'achève la soirée, les unes et les autres repartant vers leur maisonnée. Certaines voûtées, tu le vois par leurs soucis qu'elles portent sur leur dos, comme elles portaient le fardeau à la tâche tantôt. Tu sens toujours présente la tristesse ou l'absence que tu as ressentie en arrivant dans le village, mais tu as su insuffler quelque chose d'autre lorsque tu as dit que tu étais maître des esprits, où se tenaient tes mains. Sur mon ventre. Sur ton ventre. Et tu passais ta main sur ta ceinture aux esprits? Non, j'avais ma main comme ça, sur le ventre, parce que je suis un coiffre, et je l'avoue au bon. Ce que tu as noté rétrospectivement en allant te coucher, c'est que tu n'as pas vu d'arbres auxquels, comme les tiens, ici, on laisserait pendre un message murmuré au vent, un arbre à prière, qui aurait toute sa place dans ce village. Ton arbre, celui auquel les tiens pendaient leur linge à prière, est bien loin. Il est dans la brume de tes rêves et il rejoint la brume des jours qui suivent. Le vent a cessé, les brumes se sont amoncelées, attardées dans le petit village pour noyer ce qui le reliait au royaume éternel. La route a disparu. Le lien vers le haut roi semble rompu. On est sur une île entourée de grands arbres noirs qui cachent le soleil timide, qui semble hésiter à donner la pleine force du printemps sur les pentes. En dehors de ta participation aux tâches qui sont celles d'un homme, tu aides volontiers à désherber le chemin. Tu aides au champ. Et ton air n'est pas de trop pour tirer, aller, porter. Tu es sollicité à U, à Dia, chacune veut capter ton attention et s'arrange pour t'offrir quelques douceurs au miel arraché comme ton vieux rayon de miel séché. Lors d'excursions dans la forêt, tu as vu quelques ruches auxquelles les plus jeunes apportent tout le soin nécessaire, veillent jalousement, écoutent. Tu épouses leur temps ou tu cherches à organiser les travaux? Je cherche à... je me la gorge. Je cherche à aider le plus possible les habitants de ce village, si possible aider dans leurs tâches. Tu les accompagnes dans leurs tâches quotidiennes? Comme je l'ai dit, le bord est une femme qui est voisine de ton âge, qui a encore en elle les forces vives qui lui permettraient de mener à bien bien des tâches pour lesquelles elle te sollicite presque innocemment, comme une jeune fille. Tu sens qu'un peu de ce qui lui pèse sur le cœur s'est dissipé, mais un peu seulement. Une fois dans le champ, une fois à assembler les fagots des buissons d'épineux qui se sont insinués sur la sente, elle a tout fait de marmonner des reproches à elle-même que je l'ai laissé partir épicéa, mon fils, mon unique. Mais bien plus précieux que la gloriole du roi. Et de cracher dans le sol toute la rancœur qui s'est appesantie dans son cœur. Et sitôt après, elle se saisit d'une de ses petites statues votives à Triglof. Baise les trois têtes et se reprend d'avoir ainsi profané le nom du haut roi, sa pureté, car après tout c'est pour ménager la paix qu'ils sont partis, mais ça lui pèse, tu le sens, ça la ronge et régulièrement elle rabroue sa bru. RL, qui semble distraite, toujours ailleurs. Tu peines à savoir vers où se porte son regard. Elle semble éteinte tout le jour durant lorsqu'elle aide sa belle-mère et les bords. Lorsqu'elle peine au champ avec elle, lorsqu'elle croule sous les fagots parce qu'elle est plus jeune et qu'elle est plus vigoureuse. Oh! Elle arrache sa part. Pour peu qu'elle était gourmandée, elle s'acharne même. Au point de meurtrir ses doigts jusqu'au sang, au point de s'arracher une larme, mais les larmes se tarissent vite. Son regard se fait à nouveau absent, préoccupé qu'elle est. Et tout le temps, elle guette la course du soleil dans le ciel, comme si elle tardait à rejoindre la maison qu'elle partage avec Épicéa. Épicéa qui n'est plus là. Les jours s'écoulent, ils pourraient être plaisants. Tu vois les uns et les autres vaquer à leurs tâches. Fenouil est venu à toi. Dites, maître Tobias, à quoi vous sert d'avoir, vous, une arme comme celle-ci? C'est l'apanage des soldats. C'est pas une dague de chasse que vous avez là. C'est le souvenir d'un ami. C'est parce que c'est un souvenir que vous l'avez aux côtés. Mais vous savez, ça irait bien dans la main d'un brave. Plus que... Je veux pas vous manquer de respect, hein. Mais plus qu'à la ceinture d'un maître des esprits, qui aussi généreux que vous, maître Tobias. Je m'éloigne et continue ma tâche. Et il a tué beaucoup d'ennemis, votre ami ? J'en sais rien. Et je continue ma tâche. Mon frère, Épicéa, c'est un rude gaillard, hein. C'est le plus costaud des bûcherons du coin. Lui, il abattait son arbre sans coup férir. 15 arbres dans la journée, C'était son rythme. Ah, il fallait le voir, il avait du cœur à l'ouvrage. Il a dû en abattre. Il a dû en abattre. Et il s'éloigne, et en regardant s'éloigner, tu vois qu'il a une larme qui vient couler, et bientôt se noie dans la terre qui macule son visage, qui l'absorbe tout entière. Vous avez travaillé avec lui sur le chemin, qui mène aux Essarts, mais le chemin que tout le monde redoute désormais. Régulièrement, il portait son regard vers l'orée du bois, pas si lointaine, noyée dans la brume, indécise, comme si la forêt subreptice se tenait tapie sur le contrefort de la montagne pour vous observer. Par instant, lorsque le vent cessait de souffler, le vent qui peinait par intermittence à arracher des bancs de brume, vous ouvrir la vue sur le domaine du royaume éternel, vous dire que vous n'êtes pas seul au monde. Lorsque le vent cesse, dehors des grattements, des tintements de vos outils sur la pierre et l'argile amassée qui constitue le chemin, tu as cru entendre un vague murmure, mais sitôt que tu y prêtais attention, il se dérobait à nouveau, et le vent soufflait et te portait d'autres messages, celui du temps qui s'écoule sur la vallée, imperturbable. Avec lui, vous avez plus tard, alors que la lune monte dans le ciel, alors qu'elle achève sa course et marque la fin de ce temps, de ce mois, passé dans ce village isolé, qu'elle va bientôt atteindre son point culminant la nuit prochaine. Vous avez entrepris d'entretenir les guides du torrent, car le torrent est conduit depuis l'un de ses bras pour alimenter la Syrie, puis le village. Il vient conduit dans de petites conduites de bois savamment apprêtées, découpées, entretenues depuis des lustres par tous les gens du cru. Vient conduire l'eau jusque chaque auge, chaque maisonnée. Et vous avez accompli toute une journée ce travail pénible à gratter, à ôter les mousses qui détournent à vide le courant frais venu de la hauteur. Tu as travaillé à ses côtés, mais autant Erel était absente. Qu'elle l'a remarqué, je suppose. Son regard perdu dans le vague à suivre le cours du soleil vers sa sœur la lune. Autant physiquement, Fenouil était par intermittence présent. Tu le voyais bondir plein d'une énergie et se dérober à la tâche pour aller qui sait où, puis reparaître sitôt que le temps se faisait un peu long et qu'il entendait maugréer un peu plus fort et les bords. Donc c'est qu'il est parti, celui-là, encore à courir la lande. Ah, il craint pas l'esprit mauvais, c'est lui l'esprit mauvais. Jamais à sa tâche, toujours dissipé. Ah, qu'il me manque, cet épicéa, mon fils. Puis je m'approche d'elle. Mais c'est son fils également. Fenouil. Quand Fenouil a reparu, je m'approche de lui pour lui demander ce qu'il faisait. Bah, rien. J'en avais. C'est usant de gratter ces mousses. Alors de temps en temps, je vais un peu courir au loin. Je bagnote, comme dit la mère. Fait rien de mal, hein. C'est pas moi qui vais murmurer à l'oreille des vieilles des histoires de lune, hein. Parce que c'est le jour que je cours. Allez, pas vous imaginer des histoires pas possibles, mais des esprits. Je suis tout autant que vous à la tâche. Et reprendre plus belle. Parce c'est pas possible. Et je me remets à la tâche. Il faut bien la mener à bien, cette tâche. Même si c'est pas... On se demande pourquoi. Hein? Est-ce que t'as envie de, quand tu bois de l'eau, voir de la mousse dedans, toute dégoûtante? Bah, pour sûr, non. Bah, fais cette tâche. Mais je la fais. Bah, tu te demandes pourquoi? Je t'explique pourquoi. Et vous auriez pas envie d'égayer le repas avec un bon lièvre? Non. Ah, la chair bien grasse, là, bien tendue, celui qui a... C'est pas moi qui fais à manger, faut voir avec les autres. Comment vous croyez qu'ils agrémentent la soupe? C'est bien que je leur rapporte quelques lièvres, c'est pas elles qui vont courir après. Et on a depuis longtemps que le clapier nous a servi son dernier repas. Et pourquoi on n'irait pas voir les dans le poulailler? C'est à partie, la mère, elle allait plus bien du tout, hein. Elle était là à se morfondre, à se préoccuper de rien. Heureusement que j'étais là, hein. Parce que ce pourquoi soit... Pourquoi n'allez pas vous au poulailler récupérer quelques œufs? Vous faire quelques gâteaux Bah, c'est l'affaire des femmes. Nous, on doit s'occuper de la mousse. Mais si vous voulez, hein, moi je veux bien aller ramener des œufs... pour faire des gâteaux. Je m'en occuperai tous les matins. Ça te va? Ou sinon, on fait un jour sur deux. Ça me va. et je me remets à la tâche. Mais c'est pas aux hommes de faire un gâteau. Quoi? On peut en faire un peu. Il n'y a aucune tâche pour hommes. Les tâches sont partagées pour femmes et hommes. Mais c'est pas les femmes qu'on envoie à la guerre. Et pourquoi pas on envoie arrêt? Parce qu'elle... Je sais pas, parce que ça se fait pas. Si ça se fait, c'est juste que les gens n'ont pas envie de le faire. Et que les femmes n'aiment pas la guerre, tout comme les hommes. Mais les hommes veulent faire leur malinde, leur malin. Ils sont forcés depuis. Bah, ils font pas leur malin. Et ils ont leur fierté et ils défendent leur... leur roi. C'est leur... c'est leur devoir. Et je me remets à la tâche. Est-ce que tu vas jusqu'à la forêt où tu restes à travailler dans les champs pour le compte de la communauté? Ou à mesure que le temps s'écoule Je continue ma tâche. Comme je te l'ai dit... ces dames sont fort heureuses d'avoir un bras secourable, un bras corvéable, et que tu les soulages des tâches astreignantes. Battre les graines, retourner la terre. Mais toujours... les brumes s'amoncellent. Et le printemps semble comme obscurci. Le temps s'écoule. Ne ressens-tu pas le besoin d'entendre toi aussi les voix qu'ont entendues les uns et les autres? Non. Les voix parmi les arbres? Non. Ça me suffit. Il te suffit d'être auprès d'eux? Oui. Un jour où tu es chargé de la corvée de petits bois, il te faut monter dans la scierie, jusqu'à la scierie, faire tes fagots. Charger tonnerre des fagots requis pour alimenter les foyers des maisonnées. Tu passes la journée seul, isolé. De temps en temps, j'appelle Fenouil. Mais il ne paraît pas. Il est venu au matin. À couper un peu de bois avec énergie et allant, comme il lui est de coutume, pour disparaître à un moment où tu ne lui prêtais pas attention, et il n'est pas reparu depuis le matin. Le soir, j'arrive vers la communauté pour voir si tout va bien. Il n'a pas reparu. Au moment de la soupe, au moment où tout le monde mange, on mange presque en silence et les bords se contentent de lâcher que c'est l'ivraie, je vous dis. J'aurais dû l'appeler ivraie. Rien de son frère. Vous l'avez vu ? Je peux pas être tout le temps derrière lui. J'étais bien trop occupé aujourd'hui pour prêter attention à ce schnappan. Il est parti et se sera égaré ou il reviendra la queue entre les pattes comme un vieux corneau demain matin. Lorsque son ventre criera famine, il se souviendra du chemin et reparaîtra. Es-tu sûr qu'il se souviendra du chemin ? Je te rappelle que c'est ton fils. Tu devais t'en occuper. Nous avons tant à faire ici. Tu n'es pas sans l'ignorer, maître des esprits. Oui, mais pourquoi ne prêtez-vous pas attention à lui ? Il est encore jeune, il est dans la force de l'âge, il a tout ce qu'il lui faut. Il n'a pas besoin de moi autant que moi j'ai besoin d'épicéa. Il a besoin autant de toi que tu as besoin d'épicéa. Et tu as besoin de lui aussi. C'est pas que je l'aime pas. Je l'aime bien. Mais c'est... C'est pas le même que ce frère. Tout le temps à courir par mon et par vous. Jamais à sa tâche. C'est un enfant, il a besoin de respirer. Eh ben, il respire alors. Il ne court pas par où. Il court pas partout pour aucune raison. Il a besoin de respirer, c'est un enfant. Que souhaites-tu dans cet entretien, maître Tobias ? Qu'elle comprenne qu'il faut le retrouver vite avant qu'il revienne. Pas. Avant qu'il disparaisse, tout comme Épicéa. Exactement. Je n'ai pas envie que. C'est une épreuve pour toi. Qui mesurera l'influence que tu as vu grandir au sein de la communauté. Il te faut t'assurer que Elébor a bien en tête l'importance de tes recommandations, qu'elle te considère comme maître des esprits et pas comme homme de passage. Et que sais-tu ? Que sais-tu vraiment de Fenouil ? Tu dois retrouver la carte fenouil et celle d'Elébor. Tu ne peux retourner que deux cartes. Fenouil. Retourne. Face à toi. Face à toi. Quelle est la carte qui désigne Elébor? C'est pas un hasard, c'est... Est-ce que tu... D'après toi, qu'est-ce qui traverse en ce moment l'esprit d'Elébor, la mère d'Épicéa et du jeune fenouil? Crois-tu qu'elle puisse entendre... C'est la mère de fenouil. Voilà. Elle ressemble à ça. Et Fenouil, il a l'air plus âgé que sa mère, non? C'était les bons. Tu sens que ton insistance et en même temps une pointe de véhémence, comme si ton enfance ne t'avait pas déserté tout à fait, alors même que vous avez sensiblement le même âge, porte. Tu la sens prête à fondre en larmes. Lorsque tu tends la main vers elle, elle sent toute la compassion et si ses larmes s'épanchent, ruissellent sur ses joues, c'est d'avoir déserté, d'avoir abandonné son fils à son propre sort, de l'avoir ignoré si longuement. Alors les voix fusent autour de la soupe. Des reliefs dessous. Certaines se tournent vers leurs écuelles presque vides et y cherchent l'inspiration. Où pourrait être ce garnement? Pourquoi n'est-il pas reparu le soir venu? Je pense qu'il est parti jouer dans la forêt. Mais comment le retrouverons-nous dans la forêt? Il y fait noir et les voix résonnent, les voix. C'est pas parce qu'il y a des voix qu'on a peur, forcément. Vous nous accompagnerez? Il faut juste que vous me passiez des facots, des petits bouts de bois, de quoi faire des torches, qu'on puisse y voir. Nous avons des lanternes, mais dissiperont-elles les ténèbres suffisamment? Repousseront-elles les voix? Et où aller dans le bois? Nous le ferons demain matin, quand il fera plus noir, plus du tout noir. Mais pourra-t-il attendre jusqu'au matin, seul dans la nuit, maintenant? Assemblons-nous toutes. Avec maître Tobias, perçons la nuit et trouvons mon fils. Du coup, je m'empare d'une lanterne. Je dis, de toute façon, s'il y a un monstre, je peux le combattre avec vous. On a une arme. Et je leur montre la dague que m'a confiée mon ami. Comment ça fait déjà? Enfin, c'était quoi son surnom? Il m'avait dit... Non. Dans un grand élan, les femmes s'assemblent. Récupérez tous une lanterne. S'il y en a assez. Sinon, faites en sorte que on ait assez de lanternes pour y voir. Cette dague est le cadeau d'un ami qui s'appelle Être. Il a perdu sa jambe au combat. Il me l'a donné pour oublier ses souvenirs de guerre. Et vous partez ainsi au cœur de nuit. Vous remontez... Et j'ai récupéré mon bâton de marche. Il est confié à une dame. Il est confié à une des femmes. La petite vieille sourde se recroqueville sur le bâton et vous suit avec lenteur, ralentit toute la troupe qui agace la pauvre Elébor qui est... qui allait sans tout retourner, qui maintenant est vraiment persuadé que son fils Fenouil est la proie de ce qui hante le bois et qu'il faut le retrouver vite, vite, avant qu'il ne disparaisse totalement comme Épicéa. Elle enjoint sa bru à se préoccuper de son sort et se rend compte qu'elles n'y sont pas. Sa bru et Erel ont quitté l'assemblée. Elles manquent à l'appel l'une comme l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire de cette communauté? Tout le monde part sans prévenir? Vous passez par la maison de Brimbelle. De toute façon, elle est sur votre chemin, mais vous pourrez au moins la trouver. Elle est probablement plus proche de Fenouil, suggère la vieille. Ils sont presque du même âge. Partez d'un bon pas, mais en chemin vous apercevez la lueur d'une lanterne qui rougeoie derrière les volets de la maison d'Épicéa et Erel. Vous récupérez Erel et Brimbelle qui se joignent à vous dans votre battue nocturne. Vous enfoncez dans le bois, tu entends les sabots des femmes autour de toi qui ébranlent les graviers du sol, puis Christ un peu moins à mesure que le chemin se fait plus pentu et rentre au cœur du bois. Bientôt, vos maigres fanaux n'éclairent guère insuffisamment, en tout cas, pour quitter la sente ou aviser une coulée qu'aurait pu suivre comment retrouver l'endroit où se tient As-tu une idée, Maître Tobias? Comment retrouver où est-il selon toi? Pourquoi n'a-t-il pas reparu? Peut-être qu'il est parti chercher des œufs dans le poulailler, ce qui serait possible, mais on l'aurait quand même vu. Mais après, il s'est peut-être perdu dans le bois. Et où serait-il au sein du bois? C'est tout de même toi, le maître des esprits, c'est toi qui peux entendre. Comment pourrais-tu retrouver sa trace dans la nuit, dans l'obscurité? Bonne question. Bah, on pourrait faire le tour de la forêt, déposer une certaine lanterne dans et des zones qui éclairent presque toute la lisière. Et ça éclaire toute la forêt. Ensuite, comme ça, il serait éclairé et ça pourrait éloigner les monstres. Et si ensuite on se tait tous et on écoute s'il y a un bruit, on va vers vous avancez le... Vous menez une battue depuis l'orée de la forêt. On met des lanternes dans la forêt. Vous avancez, mais votre front est insuffisant pour couvrir ne serait-ce que toute la lisière qui fait face au village. Vous êtes trop peu nombreuses. Quoi ? Vous êtes trop peu nombreux pour couvrir l'étendue même de la lisière. Mais vous pouvez rayonner à partir du chemin qui mène au bois. Le poulailler, il est près de la forêt? Non. Il en est fort éloigné pour éviter que renard ou loup ne viennent. C'est plus proche de quel côté de la forêt? Ça donne dans la vague direction de la Syrie et de la rivière. Je leur propose d'aller là-bas vu qu'on avait parlé de poulailler la veille, avant qu'ils disparaissent. Et aussi on avait parlé de lapin, donc aussi aller au clapier. Au clapier ou au poulailler, vous ne trouvez nulle trace de fenouil. Vous remontez le long du torrent. Vous suivez le chemin que vous avez peiné à démousser l'un et l'autre au long de longs jours de travail. Et la petite troupe s'égaye en scandant le nom de Fenouil. Fenouil, reviens! Mon plat préféré, Fenouil! Après, Mais à mesure que vous marchez, l'espace entre les arbres vous semble se resserrer. À mesure que vous pénétrez dans le bois, tu es resté au devant. C'est toi qui guide la battue. Tu es le fer de lance qui suit le cours de la rivière et tu avises un promontoire rocheux duquel le torrent rejaillit avec force et tu te souviens que tu l'as vu s'enfoncer auparavant dans le bois. Tu te souviens de l'avoir vu s'y couler au détour de ce promontoire et donc tu guides la troupe par là. Après une dizaine de minutes angoissantes, vous parvenez dans une espèce de repli entre de grands arbres centenaires, un trou, une combe, des amoncellements rocheux, et au milieu des fougères, il y a comme une petite cabane de ténèbres. Il est là, profondément endormi, dans sa cachette. Encore tout ensommeillé, il voit tout le village autour de lui. Je dis, bon, assemblé. Bon, la belle aux doigts dormants, on t'a cherché pendant longtemps, donc maintenant tu lèves tes fesses. Il n'attend même pas la fin de ton discours pour se jeter dans les bras de sa mère en sanglotant. Et tous deux s'étreignent avec force, avec la force de l'injonction que tu as donnée à Elébor plutôt de venir trouver son fils. Elle n'a pas de mots rudes, elle n'a que des pleurs et la joie de le retrouver. Toutefois, tu trouves, toi, des bâtons qui ont été taillés, qui sont posés comme des lances qui entourent l'entrée de sa cabane. Un morceau de vieux métal rouillé que l'on a poli et transformé en une ébauche d'épée mal dégrossie. Bon, une passoire dont on a obturé avec patience les trous. Des couvertures et une longue corde. Je propose aux femmes de récupérer le matériel qui se trouve ici et de les ramener au village. Et de tout ranger, comme ça c'est toujours mieux. On a de quoi... Déjà, premièrement, laver les couvertures, parce qu'on ne va pas se trimballer avec des couvertures toutes sales. Les époussettes, les couvertures, les prennes, les plis. Et mon idée, c'était de construire quelque chose avec les bouts de bois. Par exemple, je sais pas, réparer... Par exemple, rendre un peu mieux le clapis. S'il n'y a pas, construire des sortes de petits jardins pour chacun des lapins qui s'y trouveraient. Et en trouver et les mettre dedans. Tu consacres les jours suivants... Et puis à la fin de la soirée, je demande à Fenouil pourquoi il était parti dans la forêt, et aussi après je passe autour des deux filles. Tu lui demandes pourquoi il était dans la forêt. Et aux deux filles, je leur demande. Oui, je leur demande. Fenouil, pourquoi étais-tu parti dans la forêt? Tu ne peux pas le faire le soir même. Il te faut attendre le lendemain parce qu'il est accaparé par l'attention de sa mère retrouvée. Et il te faut même du temps le lendemain matin pour trouver un moment où elle n'est pas auprès de lui, à le couver du regard, à prêter attention à la tâche qu'il accomplit. Quand sa mère est occupée comme lui, je lui demande pourquoi il était parti dans la forêt. Maître Tobias, ici personne ne prêta attention à moi. Et moi, ça me pèse de rester ici. Ça me pèse parce que j'aimerais être comme mon frère à servir le roi. On veut pas de moi, on dit que je suis trop frêle. Alors je m'aguerris, c'est pour ça que je vais dans le bois. Pour pouvoir, au prochain recrutement, honorer ma famille comme l'a fait Épicéa. Mais tu sais, si tu par la guerre, ça va leur faire beaucoup de peine. Comme Épicéa est parti, il vous manque, mais c'est pas sûr qu'ils reviennent. Mais c'est pareil, si toi tu y vas... J'éclate en sanglots. J'éclate en sanglots. Il est mort! Pas forcément, il va survivre. Il va survivre. Mais sache que si tu y vas, c'est pas sûr que tu survives, d'accord? Là, tu as une vie, mais extrêmement en bien. Tu as pas de la guerre de partout, d'accord? Et puis je vais voir les pour deux. Le convaincre, c'est une nouvelle épreuve pour toi, maître des esprits. D'accord. Je dois retrouver quoi? Pour le convaincre de renoncer à son projet, il faudrait que tu trouves une carte de cœur. Et comment tu veux que je sache, Jean? Et comment que tu veux que je sache? Comment que tu veux que je sache, moi? Alors peut-être est-ce... trop tôt pour avoir suffisamment d'emprise, il va te falloir développer oui, des trésors. On va le faire plus tard. Des trésors, comment renforcer tes liens avec Fenouil? Qu'est-ce qui pourrait... Manger plus de Fenouil. Qu'est-ce qui pourrait renforcer vos liens et qui puisse le distraire de son projet de devenir un soldat comme son frère? Bonne question. C'est plus une question. Peut-il, selon toi, renoncer à ce projet? On peut essayer de le convaincre, mais au moins on aura essayé, mais je suis pas si sûr que ça, mais faut essayer. Te faudra alors. Pour le convaincre de rester parmi les siens, qu'il y voit tout le cœur, un cœur qui habite au-dedans de lui, au même titre qu'il habiterait au dehors. Il faudrait que d'autres personnes partage la préoccupation qui est la tienne de le distraire de son projet. Peut-être n'est-ce pas envisageable, peut-être qu'il est promis à être soldat et que il te faudrait... Faut essayer, mais on n'est jamais sûr. Mm-hmm. Il faudrait essayer. Donc il faut essayer de le convaincre que ce village, c'est le meilleur du monde et que s'il part la guerre, c'est pas sûr qu'il le revoie. Et comment l'attacher à ce village? Comment envisages-tu de le convaincre? Rendre un peu plus apaisant le village, par exemple, y faire des constructions, plus de projets, y mettre des jeux pour lui, ça je pense que ça lui plairait. Un air de jeu pour enfant. Ce n'est plus vraiment un enfant. Il est adulte. Il a 14 ans. Ce n'est plus vraiment un enfant. C'est un adolescent. Ouais, mais quand même, s'il a besoin vraiment, de jeu... plus vraiment un enfant. Tu penses que lui proposer des jeux serait la solution? Lui proposer des trucs amusants. Par exemple, je sais pas. Déjà, ce serait bien de construire un truc s'il y a un enfant qui naît et qu'après quelques années, il a besoin de jouer, il faut un air de jeu pour lui. Faudrait l'aider. Et après, faudrait faire plus... Quel enfant? Il n'y a plus d'hommes. Si certains reviennent de la guerre. Donc ce serait susciter en lui, renforcer l'espoir du retour des hommes de la guerre. Mmh. Et lui... Ah mais non, du coup ça lui, ça l'incite. Tu as vu qu'il savait tailler le bois, même si c'était de façon sommaire et orientée vers la guerre, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Toi-même, sais-tu travailler le bois? Oui, j'ai quelques restes de quand j'étais enfant, que je m'amusais à construire des cabanes. Mais ça fait quand même très longtemps. Il faut que j'aie de quoi tailler, des bois, enfin du bois. Il y a tout ce qu'il faut dans l'atelier. Cool, j'y vais. Non, je rigole. Et donc, tout. Ce serait bien de construire une cabane pour lui, comme ça, ça pourrait l'inciter à rester, comme ça il a sa petite cabane. Où il peut, par exemple, s'amuser, discuter avec ses amis. Il n'a pas d'amis. De son âge. Il y a... Bah si, t'avais dit qu'il y avait une fille qui pouvait être son amie. Qui pourrait être son amie, mais elle t'a dit qu'il était, il était tout changé par le départ de son frère. On pourrait essayer de faire en sorte que il soit ami. Déjà. Alors comment pourrait-il être ami avec Pleurotte, la jeune fille de 7 ans qui t'avait confié ce secret? Possible que si on leur faisait des... Bah, j'avais parlé d'un truc en air de jeu, ça pourrait être pour Pleurotte en fait. Construire quelque chose pour Pleurotte? Mmh. Et... Une cabane pour Pleurotte, et dont il serait l'auteur. Et aussi notre ami, le mangeur de fenouil. Non, je rigole, le fenouil. Pour lui et Pleurotte. Mmh. Et tu leur apportes ton aide et tu veilles à ce qu'ils mènent leur projet à bien. Avec eux, tu leur... Est-ce que tu encadres leurs projets ou... Oui, je les encadre. Tu leur indiques des choses, tu es directif ou au contraire tu les laisses... Je leur indique quelque chose, mais sinon je les laisse un peu, parce que faut toujours les laisser faire les enfants, mais des fois faut quand même aller les aider. Donc tu restes... Le matin, je commence déjà les constructions. Je commence les bases qui sont plutôt compliquées, donc installer les piliers, etc. Je construis une petite aire de jeu en dessous d'une cabane où il y aurait des fausses lances, mais pas trop taillées, mais quand même taillées, pour faire semblant, pour que Fenouil puisse jouer, faire semblant, enfin, puisse jouer. Ouais, il te suit dans ton projet, les jours s'écoulent, la cabane prend tournure. Tu l'aides à tailler ses armes et tu le vois à nouveau songeur. Une fois que la cabane est hors d'eau, que les quelques pluies qui sont tombées ne menacent plus de souiller le sol et que vous en êtes à réaliser un plancher avec Fenouil et Pleurotte à et poncer. Si, ce que je pensais, c'est que là, t'as l'air de jeu. Juste au-dessus, t'as la cabane qui fait un petit toit là aussi. Et ce qui reste dans le dessous de la cabane, on en fasse un petit jardin pour qu'ils puissent faire, par exemple, des récoltes, etc. Qu'ils entretiennent leur propre potager. Ce serait pas mal. Et après, moi-même, je construis à côté de la maison, enfin, dans ma chambre qu'on m'avait passée, j'adopte un animal. Un petit lapin. Que je vais nommer. Shadow, parce qu'il sera tout noir. Ombre. Plus simplement. Ouais, ombre. Et souvent, j'irai voir les enfants. tu as vu le tempérament ombrageux de Fenouil peu à peu se transformer à mesure que tu lui prodiguais tes conseils, l'enjoignais à bâtir cette petite maison, et d'autres se sont joints à toi, ont suivi ton exemple et passaient régulièrement pour voir ce que tramait Pleurote et Fenouil. Sont venus leur apporter de menus objets qu'ils pourraient réutiliser pour égayer leur petite maisonnée. Et de vulgaires cabanes cahutes, elle est devenue une maison dont on a envisagé que l'on a envisagé de revêtir d'un badigeon. Et de ça lui va donner une villa, mon truc, c'était censé juste être un aire de jeu pour enfants. C'est devenu une petite maison et tu as vu poindre un sentiment de fierté dans le regard dans mon regard aussi hein. De Fenouil, la fierté de ce travail accompli avec son amie qu'il s'est découverte, qu'il a négligée. Une amitié qu'alimente un sentiment d'importance qu'il s'est lui-même insufflé. Tu les as vus monter la garde dans un premier temps, tu les as vus jouer un peu à la guerre, mais s'arrêter tout de suite. Très vite, tu as vu surtout un sentiment protecteur émerger, naître en Fenouil, pour rejaillir dans le regard émerveillé de la jeune Pleurote qui t'a confié que elle ne risquait rien parce que le grand Fenouil, il la protégerait des méchants, toujours. Et tu les as vus peu à peu s'éloigner au grand âne de les bords, s'éloigner d'elle pour constituer un petit couple qui menait sa barque avec constance, et tu as vu tu as vu ce qui était son refuge, l'endroit où auprès de la rivière il allait pour échapper à son tourment intérieur, perdre peu à peu de l'intérêt à ses yeux pour qu'il ne le fréquente plus. Est-ce à la nouvelle lune, c'était quelque chose d'important pour lui et pour nous aussi. C'était quelque chose d'important pour la communauté que de ne pas avoir à revenir le chercher. Mais désormais, il est là à chaque repas. Il veille à ce que son ami Pleurote soit bien installé. Et tu as vu la jeune Brimbelle s'amuser de leur jeu qui pouvait paraître au prime abord pusillanime. Elle et Erel. Erel qui est de fait sa belle-sœur, elle et Brimbelle se sont préoccupés du jeune Fenouil. Elles ont l'une et l'autre cousu une belle robe à la princesse Pleurotte pour que elles ont donc cousu une belle robe à la princesse Pleurotte, la jeune Erel avec patience, toujours secondée dans ses travaux par Brimbelle, a pris soin de raviver les atours du jeune Fenouil, qui désormais est le prince consort qui protège la princesse Pleurotte dans son castel inexpugnable. Et de temps viennent, en temps, je reviens et je commence à faire quelques petits travaux dans leur maison. Égayés de leur rire et de leurs larmes, Dieu merci, plus rares, les logis des uns et des autres, car il leur arrive encore de se fâcher, mais comme de bons amis, et tu es certain d'avoir apaisé, sinon la communauté en elle-même, au moins avoir détourné la funeste intention du jeune Fenouil. Il te souvient maintenant de la grande corde qu'il avait nouée d'un nœud coulant et qui était pendue au vieux saule près de son refuge, et tu es fort aise de voir que la corde est celle qu'il a coupée en deux pour ménager le mécanisme de son pont-levis brinque-ballant qui enjambe la fosse qui borde leur maisonnée castel. C'est plaisant de les voir jouer comme des enfants de leur âge, loin des préoccupations de la guerre, à tel point qu'il en a oublié, presque oublié, l'absence de son grand frère Épicéa. Pourtant, maintenant que son fils, le plus jeune, à retrouver rire et sourire, et les bords à retrouver les plis soucieux que tu lui connus lorsque tu arrivas dans le village 3 mois auparavant. Le temps s'écoule et même si tu as pris tout le soin qui convenait pour réinsuffler la joie qui avait déserté Fenouil, tu sens que la tristesse... Mais faudrait savoir, soit il y en a un qui y a son fils qui est heureux. Logiquement, t'es heureux si ton fils est heureux. Parce que... Oui, mais... Tu sens que l'absence pèse. l'absence des hommes est toujours présente. Il y a ce jeune chevalier en herbe qui court la lande avec pleurotte, qui égaye voilà, le village, mais personne pour ébranler la scie. Personne. Si, moi, de temps en temps, je vais là-bas, hein. Mais de temps en temps. Bah, je suis allé pour aider leur construction. Tu as taillé des planches, tu as mobilisé les énergies. Mais sitôt que le projet a été mené à bien, la Syrie était à nouveau désertée. Vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour faire front à toutes les tâches, les semailles passées. Il y a des milliers de choses à faire, à récolter. Des fleurs à cueillir, du miel. Voilà. J'ai cueilli. Et d'ailleurs, après qu'ils ont continué les constructions. Tu as eu à nouveau peur. Tu as eu à nouveau peur de perdre, cette fois-ci, tes deux protégés. Suis-je bête ou suis-je bête ? Telles sont les questions. La promesse du miel, le temps du butinage, la fascination des grosses abeilles noires qui courent sous le bois, au milieu des baies, et les deux enfants se sont égarés dans le bois. Tu es parti à leur suite, à leur recherche, pour les retrouver. Et on les a retrouvés ? Tu disais que tu n'avais aucun goût pour te risquer dans le bois. Bah, c'est pas vraiment mon truc préféré, hein. Qui aime se risquer dans le bois ? Sérieusement. C'est la nécessité, mais ce ne fut pas la nuit. Ah, heureusement. J'ai... Tu t'en es préoccupé bien avant. Dès la fin de l'orage et de la pluie battante, tu t'es avisé qu'il n'y avait pas le rire familier. Et je suis allé voir tout le village, l'ai ramené, on a fait comme la dernière fois. À nouveau, tu t'es approché de la lisière à la recherche du chemin qu'ils auraient pu suivre, mais là, ils n'ont pas suivi la rivière, le torrent, car ce n'est pas là que s'assemblent les butineuses forestières. Elles sont au cœur du bois, là où elles peuvent nicher, loin de leurs prédateurs. Du bois. Okay. C'est quelque part à l'intérieur du bois. Et comment pourrais-tu les retrouver si ce n'est guidé par ton cœur et le souvenir de leur rire ? Pour les retrouver, tu dois, dans cette épreuve, découvrir une carte de cœur. Ok, donc... Ok, je demande à Brimbel et à son ami. Querelle. Je leur demande pourquoi ils étaient pas. La dernière fois, ils étaient dans la maison. Dans cette maison. Nous parlions d'Épicéa ensemble. Ah. Dit Brimbel. On se souvenait d'Épicéa. Elle regarde en coin Erel qui rougit. Oui, nous parlions d'Épicéa. Je vous comprends. Et je vais voir... Tu sens qu'il y a autre chose. Et tu sens l'intensité de leur regard. La proximité dans laquelle elles sont. Expliquez-moi de quoi d'autre vous parlez. de tant de choses. Nous avons tant de choses en commun. Intéressant. Et vous, est-ce que, avant l'orage, vous n'auriez pas vu des choses étonnantes par rapport à... Fenouil et sa princesse? Fenouil nous a dit qu'il allait lui cueillir un rayon de miel digne de la lune. Ok, je sors le rayon de miel de ma sacoche et je le mets comme ça. Bon, les abeilles, vous venez quand? Et brandir le rayon de miel suffira ou il te faudra autre chose pour accomplir ton rituel et situer les butineuses? Peut-être qu'il faut que je parle aux autres dames de la communauté, parce que je connais presque personne. Je connais que quelques femmes. Bah, tu peux peut-être demander à Brimbel et Erel de se joindre à toi. Oui, je leur demande de m'aider à découvrir un peu plus la communauté. Je connais pas les noms de tout le monde. Au bout de 3 mois, si, tu les connais. Mais... Demander... Est-ce que tu irais jusqu'à inquiéter Elebor que tu sens fragile ou, Oui, je vais la voir parce que... Que tu sens fragile parce que même si elle a retrouvé Fenouil, est-ce qu'il est de bonne aloi de lui annoncer sa disparition? J'hésite. Ne faudrait-il pas se fier seulement... aux deux jeunes femmes. Faudra en parler à toute la communauté, mais en parler vraiment doucement. Ne pourrait-on pas le retrouver tout simplement dans le bois? Vous êtes maître des esprits. Vous nous avez affirmé que vous n'aviez peur d'aucune créature de l'ombre. Oui. N'avez-vous pas exact. N'auriez-vous pas un rituel, un chant qui nous permettrait de retrouver les deux gamins? Le seul truc qui va pas, c'est que il manque un ingrédient pour mon rituel. Et quel est cet ingrédient qui vous manque? J'ai besoin de voir ce qui se passe. Si quelqu'un aime quelqu'un, j'ai besoin de savoir qui est qui. Pour pouvoir faire mon rituel. Mais... Je ne vous comprends pas, maître des esprits, demande Brimbel. En quoi l'amour que porterait... Mais nous les aimons, ces enfants, bien évidemment. Non, c'est... Si quelqu'un dans la communauté... aime quelqu'un qui est aussi dans la communauté ou qui n'est pas dans la communauté, qui n'est pas Fenouil et sa princesse. Naturellement, j'aime mon homme dit Erel. Quel est son nom? Épicéa. Je ne vois pas en quoi cela permettra d'accomplir votre rituel. Il n'y a pas besoin de comprendre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aime quelqu'un d'autre dans ce... Oui, mais je vous dirai pas qui, dit Brimbel. Et elle regarde intensément Erel. Erel? Oui, maître des esprits. Dites-le-moi. Quoi donc? Vous le savez, je le sens. Comment elle vous regarde? Vous voulez les retrouver, ces enfants? Naturellement. Mais il faut me le dire, j'en ai besoin pour mon rituel. Nous nous aimons. Quoi? toutes les deux disent en même temps « Nous nous aimons ». Et elles se prennent l'une et l'autre par la main. Ok, bah c'était pas si compliqué, fallait me le dire. Tu dois trouver une carte de cœur. Bon, maintenant on y va. Vous avancez dans le bois et vous arrêtez. Vous êtes tous trois seulement. Hein? Mais vous non, êtes, je vais demander aux autres. Hein. Vous êtes tous trois seulement. Vous sentez tout le poids. Tu sens tout le poids d'une communauté sur le dos, du secret que t'ont confié les deux jeunes femmes, du secret de l'amour qu'elles se portent, de la discrétion qu'elles déploient pour ne pas froisser et les bords, puisque ce faisant, en cédant à son amour, Erel trahit celui qu'elle devrait encore porter. Épicéa, qui n'est plus parmi eux. Et tu la vois très soucieuse. Autant Brimbel, fantasque et très proche dans ses allants du jeune Fenouil, au point que pour certains on les considère comme frappés de la même inconsistance, de la même inconscience de la jeunesse. Ce qui a permis à leur amour de pouvoir éclore, mûrir. Erel est soucieuse comme lorsqu'elle regardait à ton souvenir dans le vague et contemplait la course du soleil le jour durant, songeant à la nuit venue, peut-être le moment où elle retrouverait Brimbel, ou peut-être au serment auquel elle renonçait, celui qu'elle avait donné à son promis. Tu t'étais étonné de ne pas avoir trouvé d'arbre au serment à l'orée du village. Et elle s'arrête, interdite, un moment sur la sente, puis d'autorité suit une coulée parmi les fougères, se porte vers un arbre immense au milieu d'une clairière. Et moi, je sur laquelle elle passe sa main, et tu vois gravé son nom et celui d'Épicéa, gravé profondément, mais tu vois aussi des traces plus récentes, moins fermes, qui ont cherché à l'effacer. Et tu vois à nouveau les larmes couler sur les joues d'Erel, alors qu'elle regarde cet arbre où elle a prêté serment à son promis Épicéa. Et alors vous entendez des éclats de voix non loin qui guident vos pas, qui vous guident. Je sors ma dague et je fonce. Pour retrouver. À toute allure. Des voix familières, les voix de pleurotes et. On a entendu quoi? Des cris? Des cris, des appels ténus. Où êtes-vous? On est perdus. Et bientôt vous les retrouvez, vous joignez à eux. Ce sont embrassades, réprimandes. Ne vous risquez plus si loin dans le bois, c'est dangereux. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller là-bas? J'avais promis la lune à Pleurotte. Je voulais un rayon magnifique de ce miel pur qu'on trouve qu'au cœur du bois. Alors je suis allé à l'arbre, à l'homme arbre. J'y suis allé parce que là-bas il y a un énorme rucher. Mais vous savez que les abeilles vont vous piquer si vous vous en prenez. Il faut une tenue, il faut faire très attention, il faut être un expert si on y va. Moi je voulais lui offrir le meilleur miel. T'aurais pu nous demander. Alors allons le récolter ensemble. Mais non, ils sont dans le village, ceux qui peuvent s'en occuper. Et là, interdite, les deux femmes se tournent vers toi. Vous ne pourriez pas. Mais toi, maître Tobias, tu t'y connais en rucher. C'est-à-dire que. Tu as encore en main, dans ton linge, ton rayon de miel. Oui. Mais ça fait quand même beaucoup d'années. Ah. Ça revient vite, je suis sûr, maître Tobias. On vous guidera jusqu'à l'arbre homme. L'arbre homme ? L'homme arbre. Là où est le rucher. C'est pas ça. Et vous marchez un moment pour rejoindre un autre arbre isolé au cœur d'une clairière. Des bouleaux font cercle, de grands bouleaux majestueux qui laissent pénétrer la lumière qui fait suite à l'éclaircie. Qui suit l'accalmie qu'a connue la pluie de cette fin de printemps. Cette île est très grande, dis donc. et au beau milieu, entouré d'une belle mare, un saule tortueux qui figure de ses racines noueuses, les jambes repliées d'un homme, ses basses branches représentant ses bras, sa tête légèrement penchée, tu sembles y deviner un visage dans les nœuds de cet immense arbre séculaire qui ploie sous ses fruits. Et effectivement, il y a une myriade d'abeilles qui butinent tout autour. Les deux femmes s'agenouillent près de l'arbre et chacune murmure pour elle-même. Tu entends, étant plus proche d'elle, Erel parler à Épicéa. Elle y voit Épicéa. Elle voit cet homme penché. Attends, est-ce que l'arbre, c'est un Épicéa ? Non. C'est un saule. C'est quoi ce tout ? Mais elle lui parle. Elle lui parle longuement entre ses pleurs, tandis que tu recueilles un grand rayon de miel. Tranquillou, je fais un peu de vapeur de partout. Bon, je fais que passer, hein. Juste ton habileté et ta détermination, et tu redescends avec un rayon de miel que tu offres à ton ami Fenouille, qui le tend avec déférence à sa princesse. Alors que sa princesse vient de le voir, que je l'aime. Mais elle est toute émerveillée, néanmoins, vous avez du miel qui ruisselle sur vos doigts. Vous revenez, moi, je me nettoie les mains. J'en ai vous déjà, moi. Parvenez qu'à presque nuit. Où ça ? Au village. Juste à temps pour la soupe, mais les deux enfants n'ont pas faim. Personne ne s'est inquiété de leur absence et vous voir reparaître tous ensemble rassure tout le monde. On discute, mais tu sens qu'elle est bord. Et toujours ailleurs, quelque part distante. Je m'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas. Je suis inquiète que mon fils ne soit pas là. Il est là ? Ah non, pardon. J'ai confondu. Et PCA n'a toujours reparu. Il va. On l'a. Nous allons vers l'été. Un cycle presque entier a couru et il est toujours à la guerre. Et nous aurions bien besoin de lui, car maintenant on s'est attaqué à notre village. Quelqu'un est venu voler dans notre clapier et a roué de coups la vieille. Pendant que nous étions au champ, on nous a volé des poules. C'est un coup des charbonniers. Mais ce qui me préoccupe plus, c'est à quoi bon le départ d'Épicéa si nous ne sommes pas en mesure de protéger nos terres des brigands. Désolé, car rien ne dit que ce soit vraiment les charbonniers. La vieille, elle a vu basse. Qui ça ? C'est qui ? La vieille, c'est qui ça ? Elle a vu basse. Rien ne nous dit que sa faible vue ne l'ait pas trompée. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont été assez mauvais. Assez méprisant. Je ferai la garde pour porter atteinte. Je ferai la garde cette nuit. je ferai la garde cette nuit. C'est une nuit de pleine lune. Tu montes la carte auprès d'un feu que tu as dressé sur la place du village. Tu as veillé à accompagner tout le monde jusqu'à sa maison. On a barré les volets, barré les portes. Je suis là avec tout le monde. Est rencoigné chez soi. Le temps est lourd, menaçant, presque à l'orage. Et tu passes une nuit atroce, ta garde en main, à imaginer ce qu'a pu être, ce qu'a connu ton ami. L'horreur qui lui a valu d'emporter sa jambe à force de manipuler la lame, tu ne penses plus qu'à lui. Pour penser à nouveau à ta garde, à ta veille sur ce qui peu ou prou est devenu ta communauté. C'est Maître Tobias par-ci, Maître Tobias par-là. Et pourtant, dans cette nuit de pleine lune, tu entends les rapaces, la chouette qui ulule, les craquements qui viennent te surprendre et te distraire de tes tourments du temps d'avant. Tu entends des voix qui pleurent, Épicéa, Saul, Saul n'a pas repeint, Épinette, Être, des voix qui sont plaintives, qui énoncent de simples noms, et sitôt que tu as circonscrit la provenance de la voix, ça semble se taire. Tu te surprends au cœur de nuit à avoir cheminé sur les planches qui mènent le train de bois lorsqu'on descend les grumes à l'orée de la forêt. Là où ressurgissent les voix. Et en un rêve, tu es visité au matin par un souvenir obscur, tout brumeux, comme la brume qui a son des fragments de paysage autour de toi. Cette brume qui a accompagné ton installation au sein de cette communauté qu'habite l'absence. C'est cette absence personnifiée, cet homme entreaperçu dans l'arbre, dans l'homme-arbre, que tu as vu se dresser, fier, la hampe de lance en main, pour le haut roi. Peut-être est-ce Épicéa qui t'a visité. Il te faut mener un rituel pour dissiper l'absence qui s'est enchâssé dans les cœurs et qui les ronge. Quel rituel vas-tu entreprendre, Maître Tobias ? te faudra entendre des voix pour faire taire celle du bois. J'en ai entendu, hein. Tu n'as pas entendu de chant, tu n'as entendu que les rires des enfants. La la et la la et la la et la la et la. Voilà. Tu n'as pas entendu de chant depuis longtemps. C'est l'une des traces de l'absence. Les repas se déroulent immuables autour de la soupe le soir venu. Puis les femmes regagnent leur demeure, s'isolent, se claquemurent désormais dans la crainte des charbonniers. Qu'est-ce qui pourrait dissiper cela sinon le chant retrouvé? Je sais pas. Fenouille, il est toujours dans sa maison. Oui, il y habite désormais avec sa princesse. C'est barré ou pas ? Comme toutes les autres maisons, mais tu peux frapper à la porte. Qui va là ? C'est le garde, en fait. C'est moi. Ah, Maître Tobias. Exactement. De si bon matin. Tu n'aurais pas une chanson, en fait ? Je n'ai pas appris à chanter, Maître Tobias. Mais il faudrait demander ça à mère. Elle connaît les chants. Merci. Je vais voir ça tout de suite. Tu rejoins les bords ? Et je lui demande si elle connaît un chant. Qu'elle puisse me... J'en connais plusieurs, mais... Il ne m'a pas plu à chanter depuis longtemps, Maître Tobias. Mon cœur est... tout engourdi. Et pour chanter, il faut être plusieurs. Envisagez-vous que nous donnions une cérémonie ? Oui, ce serait pas mal. On pourrait par exemple la faire dans un lieu qu'on va peut-être que je pourrais commencer à bâtir tout de suite. Ce sera un lieu pour les cérémonies ou les chants. Un lieu clos ? Ou... Peut-être que tu pourrais... Ou alors on pourrait construire une sorte de tente. On met des piliers en bois et au-dessus on met un toit. Mm-hmm. Et comme ça, on pourrait entendre. Et tu pourrais recueillir ce chant sur des linges de prière que... J'en ai un. Oui, mais tu pourrais en faire autant qu'il y a de participants pour recueillir la prière et... la suspendre tel des gonfalons à votre yourte. Mais c'est pas une yourte. Une tente que vous allez dresser. Il y aura un toit, mais il sera solide le toit. Hmm? Ce sera pas un truc cassable. Donc vous dressez notre bâtiment. Bâtiment. Hmm? Et vous assemblez pour y chanter le soir venu après. Et on y place. On y a aussi placé des estrades pour s'asseoir. Et pour clore le repas du soir, toutes les femmes de la communauté s'assemblent. Les enfants. Quel que soit leur âge, se mêlent à eux. Pour que le chant. Et je suis au milieu entre les chants. Les lieux, chacune devant elle tend son linge à prière. Et moi, je suis au milieu, comme ça, en train de tourner. Et tous ensemble, vous chantez. Tu dois trouver des cartes de cœur. Trois. Alors, simple, papa. Première. Trois. T'en reste une. Ok, j'ai compris. C'était le 2. Ah non, c'était... Passer une nuit à évoquer ensemble tous les chants que connaissent les dames et à recueillir ce souffle pour en orner comme des gonfalons, la tente. Et pourtant, le lendemain au matin, même si tu sens que l'absence qui pesait tant sur le cœur de les bords s'est en partie dissipée, une macabre découverte. Cabre découverte, donc. Saul aussi. Dans le vent. Pendu à une corde. La corde même qui liait le pont-levis de fortune du prince et de la princesse. Son regard mort est empli d'une grande tristesse. On le croyait parti, disparu à la guerre. Il était là, vivant à la lisière, honorant de petits autels. La forêt des ancêtres, contemplant la communauté dont il était à jamais exclu, ne pouvant se résoudre à révéler l'amour que se vouaient Erel et Brimbel, en dépit du serment sacré échangé entre Épicéa, emporté par la guerre, et Erel. Quand je découvre ce macabre spectacle, je me demande pourquoi il a fait ça, et, ou alors qui a fait ça. Et donc tu obtiens les réponses. La réponse à tes questions. Maître Tobias, restes-tu parmi cette communauté qui a retrouvé le chant et une forme de plénitude, ou la quittes-tu pour reprendre ton errance ? Je reste dans cette communauté. Enfin, je demande si j'ai le droit de rester. Bien sûr, tu es le bienvenu. fin de la partie. Qu'en as-tu pensé, Xavier ? J'ai aimé, mais je me demande toujours pourquoi Saul est mort, s'est fait tuer ou s'est suicidé ? Non, il s'est suicidé. Ah. Parce qu'il ne pourrait plus... Ah oui, tu l'avais dit dans les thèmes, j'aurais dû y penser. Parce qu'il ne pourrait plus faire partie de la communauté, il était convaincu qu'il devait conserver le secret pour préserver l'amour qui unissait Erel et Brimbel. Donc, est-ce que tu t'es senti libre de tes interventions ? Oui, je me sentais libre. De tes créations, est-ce que la mécanique qui repose sur les cartes disposées sur la table a été un frein à ta création ? Non, juste, j'ai un problème, parce que tu demandes 3 cartes de cœur, j'en vois que 2. Hein. Non, il y en avait 3. Ah bon ? Il y en avait même 4. Mais, oui, mais tu pouvais les trouver. Mais j'aurais dû y réfléchir, logique, entre eux deux. Ben voilà. Donc, cœur aussi. Voilà, t'avais les informations. Donc là, c'est pas dramatique. Tu as échoué sur l'aspect mémoriel, mais je pense que tu t'es imprégné de la vie de la communauté telle que nous l'avons imaginée ensemble. Et j'ai bien aimé faire des constructions dans le village, ça j'ai aimé. C'était plutôt amusant. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu as un commentaire d'ordre général sur la façon... J'ai l'impression qu'au début, c'était juste quelqu'un qui passait par là, voilà. Et ensuite, qui s'est... Ton personnage, tu veux dire ? Et ensuite, qui restait un peu pour les aider, parce que ça commençait à être un peu apeurant pour lui. Et ensuite, il est resté, il a commencé à les aider. Et il a complètement changé le village, l'état d'esprit des gens. Des villageois. Et le fait que... Et il a amélioré le village, j'ai l'impression qu'il a transformé en une ville. Donc tu as l'impression que l'histoire que nous avons évoquée, c'est quelque chose de constructif. Il en ressort... Oui, je trouve ça très constructif. Très bien. Eh bien, je te remercie.